Magma. Hein? Magma. Quoi? C'est pas faux. Magma? C'est pas faux. Ça fait magma. Oh, bah. Si ça faisait magma, bah fallait me le dire avant. Quand j'essayais de faire un truc avec ça, quoi. Maintenant, c'est un peu tard, voilà, ça fait magma. Qu'est-ce que j'en ai à prendre de magma?